sentir, mais pas celui pour lire, pour dire. L'homme est un ogre pour cette planète, vois comme on la traite. Va sur le lac, compter les canettes. Pas besoin de lunettes, l'ami, t'as beau tirer la sonnette. On a toujours nos satellites en croyant voir des comètes. Je dis quand même, sur mon MyHP, j'ai des comments, on dit quand même. Je trouve suspect, je déconnecte des conneries. Mes 535 amis tombent bien. Fin de l'émission pour TF1. On se posera devant en se disant qu'on n'a pas le temps, échangeant le bon Dieu contre 7 milliards de morts vivants. Je ne sais pas si oui ou non les vers exagèrent, mais je crois que c'est clair, l'homme fait mal à la terre. Fait mal à l'amour, mal à la mort, mal à la mer. Du mal à dire, mal à l'air, mal à la tête, tra la l'air. Lâcher de kérosène pour touriste sexuel, pour un patron, pour un passeur ou pour une pute éventuelle. Le vent est cruel, le vent attendant sa tournée. Et nous avoir la gloire exactement où on s'est planté. Les temps sont durs pour les humanistes, les journalistes ils sont unanimes. Les victimes sont anonymes et les consciences inanimées. L'équilibre alimentaire de Ouaga, Washington, Watson, c'est élémentaire. C'est tellement clair comme notre système monétaire. Grosse pyramide sociale, donc crise humanitaire. Pendant qu'on évolue comme psychologue, on technologue. L'écart se creuse bien plus vite que mon monologue. Entre mon espérance de vie et celle d'Ibrahim au Congo, on peut lire dans les journaux que demain il fera bon. Qu'il y a un nouveau Natel plus petit avec plus de pixels. Ça fait des milliards de Natel avec des millions de pixels. Des millions meurent de faim ou de leur propre volonté. Ou d'une balle un peu paumée, pas nouveau. Mais on compare pas le lac et la mer, ni les budgets scolaires avec les budgets militaires. Là qu'on se vante, là toutes les armes qu'on invente à la vente. Ça marchera qu'il pleuve ou qu'il vente. Tout ce qu'on invente, tout ce qu'on fait pour rien faire. Comme si faire un effort, ça ressemblait à l'enfer. Pour vous satisfaire, inutile objet de confort. Objet de réconfort, plastique ou polyester. Les temps sont durs pour les humanistes. Les journalistes sont unanimes. Les victimes sont anonymes. Et les consciences inanimées. Les temps sont durs pour les humanistes. À tellement confondre, progresser, régresser, rester là, attendre que l'orage soit passé. Lâché dans un coin, on connaît plus nos voisins. Et nous-mêmes, encore moins, on reconnaît plus nos gamins. En plus, en font trois, mais 7 milliards font trop. Je finirai dans un village près d'une église et d'un bistrot. Loin de la massive, loin des marées humaines, loin de la foule, de toute la solitude qu'elle amène. On laisse tomber les uns les autres, nous on se suicide. Pour ceux qui restent pour un week-end où on est lucide. Et puis on se trompe parmi, on trompe ceux qu'on aime. Et puis on se trompe parmi, on se trompe nous-mêmes. Les temps sont durs pour les humanistes. Les journalistes sont unanimes. Les victimes sont anonymes. Et les consciences inanimées. Les temps sont durs pour les humanistes. Les responsables ont l'immunité.